seul dans ce monde. Et on s'y sent si paumé parfois, que si l'aventure, une blonde, une brune ou une route vient à vous prendre et vous serrer dans ses bras, alors là, c'est la folie. Tout le monde est beau, tout le monde est moi, et moi je me dis ça, ça c'est la vie. Et à tout prendre, bah j'en prendrai bien pour quelques mois. Ouais. On est si pauvre au bout du compte, lorsque l'on fait la somme des joies. Du fond du cœur, y'a tout qui remonte. On aimerait bien rembourser, mais voilà, oui, mais voilà l'économie. Tu t'y investis, elle t'épargnera pas le CAC 40 et toutes ces conneries. Et les stock options, tiens, et y'a pas de valeur indexée sur les progrès du SIDA, non? On est silencieux quand on songe que pour finir on y restera. Y'a que le quotidien qui se prolonge et on y croit, et moi aussi j'y crois, et on est bien, et puis soudain tout est fini. Avec ou sans, bon Dieu, tu verras, c'est peut-être demain, peut-être même cette nuit, ou dans un instant la mort. Oh vas-y, vas-y, arrête, tu casses l'ambiance avec des trucs de mort, des têtes de mort. Mais c'est la mort qui est comme ça. Moi je suis si triste quand je tombe sur un pauvre type, une fille qui pleure. J'ai pas envie de perdre une seconde à faire semblant, ne serait-ce qu'une demi-heure. Ouais, moi je veux que ça bouge. On est bien con quand on y pense. Nos petites maisons, nos petites vacances, notre compassion pour la souffrance. On est bien con quand on y pense. On est bien con quand on y pense. On est bien con quand on y pense. On est bien con.